c'est mon fils, t'es trop petit pour bien comprendre la vérité. Une chose est sûre, c'est que la vie ne m'empêchera pas de t'aimer. Maman est prise d'une folie, elle a tout fait pour m'éloigner de ta douceur et de tes cris. Elle a voulu nous séparer. Jamais ta mère, jamais personne ne m'enlèvera cet espoir. J'aimais ta mère comme personne, pourquoi m'empêche-t-elle de te voir? Si tu savais ce que j'ai pleuré quand je pense au mal qu'elle nous a fait. J'aimais ta mère comme personne, mon cœur soudain s'est déchiré. Oh, oh, oh, oh, oh. Avoir au téléphone, c'est oublier qui tu étais. Ne plus te voir, mon petit bonhomme, tu sais c'est dur d'imaginer. Ce que tu fais, à quoi tu joues, est-ce qu'il t'arrive de penser à ton papa qui est loin de vous, et pourras-tu encore m'aimer? Jamais ta mère, jamais personne ne m'enlèvera cet espoir. J'aimais ta mère comme personne, pourquoi m'empêche-t-elle de te voir? Si tu savais ce que j'ai pleuré quand je pense au mal, oui, qu'elle nous a fait. J'aimais ta mère comme personne, mais mon cœur soudain s'est déchiré. Passe pas une journée sans que je pense très fort à toi. De ton absence, je n'ai gardé que le souvenir de tes papas. Quelques photos quand tu es né, tes premiers pas si maladroits. Et si parfois je suis déprimé, j'ai des amis qui veillent sur moi. Jamais ta mère, jamais personne ne m'enlèvera cet espoir. J'aimais ta mère comme personne, pourquoi m'empêche-t-elle de te voir? Si tu savais ce que j'ai pleuré quand je pense au mal, oui, qu'elle nous a fait. J'aimais ta mère comme personne, mon cœur soudain s'est déchiré. Jamais ta mère, jamais personne ne m'enlèvera cet espoir. J'aimais ta mère comme personne, mais pourquoi m'empêche-t-elle de te voir? Si tu savais ce que j'ai pleuré quand je pense au mal qu'elle nous a fait. J'aimais ta mère comme personne, mais mon cœur soudain s'est déchiré. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.